3, faire tourner le moteur sur place permet de le faire chauffer plus rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'économiser la mécanique. Oui, réponse C. Non, réponse D.